en direct du studio de France Inter à Lyon, François Morel. François, c'est à vous. Bonjour. France Inter, flash spécial. Oui, bonjour, une information vient de tomber, on ne s'y attendait pas, la surprise est grande pour tout le monde. Rien ne préparait à cet événement hors du commun qui va naturellement être développé dans les prochains journaux d'information. Manuel Valls, le chef du gouvernement français, Manuel Valls vient d'avaler un clown. Immense stupeur en France et au-delà des frontières. On ne sait pas encore l'identité de ce clown, un descendant de Zavatta ou des Fratellini. En tout cas, c'est l'information majeure de la matinée. Manuel Valls, afin de commémorer la journée traditionnelle de la plaisanterie et des canulars, vient d'avaler un clown. Rien, a priori, ne le prédisposait à cela, l'homme politique étant habitué plus généralement à avaler des couleuvres. Quoi qu'il en soit, l'information ne finit pas de surprendre et de mettre en ébullition toutes les rédactions du monde entier. Nous reviendrons sur ce sujet dès que nous aurons des détails plus précis à vous apporter. 1er avril, donc journée de la facétie, de la rigolade, de la poilade à tous les étages. 1er avril, pensez à découper des poissons rouges afin de les accrocher dans le dos des lycéens grévistes, des paysans en colère, des socialistes frondeurs, des salariés mécontents, des cheminots inquiets, des retraités, des chômeurs, des précaires, des stagiaires. Partout, l'envie de s'esclaffer, de se gondoler, de se tire-bouchonner. Rigolade aussi chez les prêtres pédophiles, les policiers violents. Partout, la joie de vivre, le besoin de se distraire, le désir d'allégresse. Même les terroristes ont envie de s'éclater. Comme on le fait à France Inter quand l'humoriste prend la place du journaliste afin de donner un souffle nouveau, de rechercher l'inattendu, d'atteindre l'imprévu, de solliciter la surprise, de flirter avec l'inopiné, le gouvernement n'a pas hésité depuis des mois, avec une constance admirable, une allégresse inouïe, une énergie étonnante et jamais démentie, à redistribuer les cartes proposant une politique de droite, alors qu'il avait originellement la vocation de conduire une politique de gauche, rien que pour surprendre, juste un peu rire, comme on dit au Québec, simplement pour s'amuser, pour aller précisément là où on ne l'attendait pas. Bravo, merci les artistes. Sans vous, on s'ennuierait, on tomberait dans le ronron des habitudes, dans le train-train de la routine. Bien sûr, il faut avoir un sens de l'humour hors du commun pour saisir toute la verve malicieuse qui sévit au sommet de l'État. Et j'aimerais à ce propos m'adresser publiquement à Madame Taubira et lui dire qu'elle peut rentrer à la maison. Christiane, ne faites pas la mauvaise tête, revenez. C'était pour rire, la déchéance de nationalité. Oh, Christiane, lol, MDR, PTDR, on peut rigoler quand même. C'est bien de lire Aimé Césaire et Damas, mais il faut aussi de temps en temps s'inspirer de Cyril Hanouna. Évidemment, Christiane, le projet de déchéance, c'était pour François Hollande une façon de vous taquiner, de vous asticoter, de vous bizuter gentiment. Sur D8, ça correspond à un bon bol de nouilles dans le slip. Revenez, Christiane, on a besoin de vous. Pas forcément pour rigoler à plein tube, mais c'est pas grave, le quota de comiques au gouvernement est déjà atteint. Mais par exemple, pour aider notamment Laurence Rossignol à faire meilleur usage du terme nègre dans ses interventions. France Inter, flash spécial. Coup de théâtre de dernière minute, le clown mangé par Manuel Valls vient d'être régurgité à l'instant même par le Premier ministre. Le clown est un peu sonné, il semblerait que ses jours ne soient pas en danger. Nous reviendrons vers vous dans les prochains journaux pour apporter les éclaircissements nécessaires à cette sombre affaire. François Morel depuis Lyon, merci François et à vendredi prochain.